J'observe dans le regard des gens cette peur inconnue, cette lueur sombre résiduelle, peu visible à l'œil nu. La routine urbaine scramponne nos semelles des badauds, consterné par le spectacle, je suis cette ombre derrière les rideaux. Je vois errer les gens sans but comme des zombies, faisant semblant de s'aimer. Je crois que c'est la mode à ce qu'on dit. On paraît gentil, foutaise, c'est que la comédie. L'honnêteté aujourd'hui, elle est presque anéantie, je te le garantis. L'hypocrisie a pris le pas sur elle, et l'ennui nous affaiblit, car la routine a mis son grain de sel. C'est rien qu'une parcelle d'un vide qui nous parsème. Suffisant de connaître le repos juste une fois par semaine. Par semaine, par semaine. Enfermé chez moi, j'entends encore cette maudite horloge. Je regarde les murs et me dis que dans une fissure la mort loge. Allongé tout seul, le silence parfois m'interroge. Je te dis, je perds la boussole, même à la mort je fais des éloges. La routine me ronge les ongles, je pars même à mon ombre. Je vis parmi les mauvaises ondes et les idées sombres. J'observe le monde à travers mon petit écran, ce tube cathodique qui endoctrine petits écrans dénigrants. La connaissance pour le divertissement, des séries stupides qui contribuent à l'abrutissement. Une nation portée sur la consommation, pendant que l'illettrisme subit une grande ascension. Routine urbaine, je t'assure, c'est pas une aubaine. J'aurais aimé jamais à écrire sur ce thème, mais je rentre dans l'engrenage, j'essaie de comprendre son mécanisme. Là où le mot joie fait figure de cataclysme, cataclysme, cataclysme. Loin de cette machine médiatique qui pourrait nous sommes des illettrés, ou tout bêtement des vaches à lait, c'est la TVA qui nous trait. Dis-moi qui lutterait de nos jours contre Goliath. Personne, car la routine nous assomme, notre colère se décontracte. Travaille, obéis, ferme ta gueule, mais surtout ne crie pas. Sinon ça battra sans toi le père fouettard ou la grippa. Tu en as marre du voile et de cette France d'assister. Le fièrement halal près du coq ne doit pas exister. Tu as une opinion précise construite sur des reportages. Je sais qu'au fond de toi tu penses que ma place est en cage. J'aimerais savoir ton discours après quelques années de routine, car on est sur le même bateau, tu l'ignores et moi je l'oublie. Moi je l'oublie, moi je l'oublie, moi je l'oublie. Car on est sur le même bateau, tu l'ignores et moi je l'oublie. Moi je l'oublie, moi je l'oublie, moi je l'oublie. Car on est sur le même bateau, tu l'ignores et moi je l'oublie. Moi je l'oublie, moi je l'oublie.